Chapitre 62e, Lotte Kepring Rivet. En rentrant à Paris, Dutilleul avait contacté Josette Rosay et Hermine de Vaillac afin de leur exposer son projet. La rencontre s'était faite au domicile de Josette Rosay, comme pour la première fois, et celle-ci fut émue que Dutilleul soit parvenu à retrouver la mère de Marie. « Je pense qu'elle aura très peur. Il ne faudra rien brusquer, » avertit Dutilleul. « C'est une personne qui a terriblement souffert. » Mais j'aimerais beaucoup que vous entendiez ce qu'elle a à vous dire. Oh, loin de moi l'idée de la juger, monsieur le commissaire. Je connais tellement ce genre de situation. Elle devait être si jeune et a dû se sentir bien dépourvue. Elle n'a pas dû savoir vers qui se tourner. C'est trop souvent le cas, malheureusement. On laisse la jeune fille seule et à elle de se débrouiller. J'aimerais, si cela n'est pas trop douloureux pour vous, que vous preniez le trousseau avec vous. Quand je crois qu'il est temps à présent de le restituer à sa légitime propriétaire. Elle était si émue quand je lui ai appris que vous l'aviez conservé. C'est effectivement très dur ce que vous me demandez là, mais je le ferai. Je suis si heureuse d'avoir contribué à ma modeste échelle, au bonheur de Marie, et puis j'aurai toujours la consolation de l'avoir connue, d'avoir partagé son intimité, d'avoir entendu son rire que j'aimais tellement. Ce sera ma façon de vous remercier. Vous avez tant fait. Marie le méritait. Tout comme Marion. Tout de même, je sais que vous vous êtes beaucoup investi dans cette enquête. Peu auraient eu le courage d'entreprendre ce que vous avez entrepris. Je suis soulagé que vous ayez pu mettre un nom sur l'assassin. Non, le massacreur de Marion. Je suis heureuse de savoir qu'il sera jugé en France et qu'il payera pour son crime ignoble. Je serai heureuse de l'avoir en face de moi le moment venu pour lui hurler ma haine au visage ainsi que mon mépris. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est ainsi. Je peux comprendre beaucoup de choses, monsieur le commissaire, voire même à pardonner à l'occasion, parce que sinon il n'y a pas de vie possible, mais rien n'excuse un tel acte. Quant à Marie, reconstituer son histoire relevait pratiquement du miracle, et je vous en serai éternellement reconnaissante. Je ne sais pas ce que la maman aura à m'apprendre, et finalement peu m'importe, mais je peux vous tranquilliser sur un point, nul reproche ne sortira de ma bouche. Dutilleul avait une nouvelle fois reçu Lotte Kepring-Rivet. Ainsi, c'est vous qui avez soigneusement planifié l'abandon de Marie Chardy. Lotte Kepring-Rivet eut un pauvre sourire. Il fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main. Comme vous dites en français, Marie Kay était au 36e dessous. Il y avait urgence. Vous avez fait preuve de beaucoup de jugement. Vous savez, je n'avais guère le choix. Il fallait à tout prix protéger Marie Kay. Karl von Gunberg y comptait encore quelques bons amis. J'ignorais que Karl von Gunberg connaissait si bien Petroleus. Il y a travaillé environ 15 ans avant de reprendre la brasserie de son père. C'est son oncle qui l'y avait fait entrer. Qui faisait-il? Pas grand-chose, à part espionner constamment le personnel. Il n'était pas très aimé, mais il était intouchable. Tout le monde savait qu'il était les yeux et les oreilles de son parent. Croyez-moi, ils n'ont pas été nombreux ceux qui ont sincèrement regretté son départ. En dehors, peut-être, du chef comptable Hermann Reuss. Un sale type. Savait-il que Marie Kay était la fille de Karl? Oui, bien que je ne sois jamais parvenu à savoir comment il l'avait appris. Il se comportait de manière abjecte avec elle. Il jouait les autorités morales alors qu'en fait il n'avait aucun droit. Était-il violent physiquement? Non. Il n'allait tout de même pas jusque-là, mais il s'immisçait dans la vie de Marie Kay au-delà du raisonnable. J'ai dit 100 fois à Marie Kay d'aller au personnel, mais elle avait trop peur. Heureusement, toutefois, Hermann Reuss a fini par être muté. Quand est arrivé Olaf Christianson? Environ 6 mois plus tard. Oui, c'est cela. Hermann Reuss est rentré aux Pays-Bas début novembre 1961 et Olaf Christianson est arrivé mi-avril 1962. Je m'en souviens parce qu'il rentrait d'un séjour au ski à Val d'Isère avec femme et enfant. Quelle impression vous a-t-il faite? Il était séduisant, naturellement. Il avait de très beaux yeux et de très belles dents. Il était assez grand, bien découplé, visiblement très sportif, mais également trop conscient de ses atouts physiques. Me croirez-vous si je vous dis qu'il m'a déplu dès le premier instant? Je le trouvais arrogant, et cela me rappelait de trop mauvais souvenirs. Vous a-t-il fait des avances? Non, je n'étais pas son genre. J'ai appris plus tard qu'il m'avait surnommé le grand cheval, charmant. À vrai dire, je m'en moquais. Moins j'avais affaire à lui, mieux je me portais. Comment avez-vous su que Marie Kay von Gunberg était enceinte? De la plus commune des manières. Elle a fait un malaise dans les toilettes. La chance a voulu que je sois là et personne d'autre. Elle n'a pas été longue à me faire partager son secret. Pauvre petite, elle avait tellement besoin de soutien. Vous avez alors décidé de l'aider ? Oui. Il fallait l'éloigner au plus vite, car pas question de se présenter au travail avec un ventre en rond. À l'époque, la chose passait assez mal. Vous avez alors trouvé la maison, installé Marike von Gunberg. Il le fallait bien. Marike n'était pas en état de le faire. Elle a traversé une grosse période de dépression. Elle a très mal vécu le fait qu'Olaf la plante là avec ses ennuis. Elle l'aimait vraiment. Elle l'idéalisait tellement qu'elle refusait de voir la situation en face. Elle n'a commencé à réaliser que lorsque Olaf n'a plus voulu la voir. Je sais qu'il y a eu une terrible dispute, où il l'a traitée de tous les noms. C'est à cette occasion qu'il lui a dit qu'il ne fallait pas compter sur lui pour l'aider. Non seulement il ne le pouvait pas, mais il ne le voulait pas. Il avait déjà une famille à charge en Suède et c'était bien assez. Vous pouvez imaginer l'état de Marika. Elle était dévastée. J'ai craint longtemps qu'elle ne mette fin à ses jours. Je l'ai exhortée à s'accrocher et petit à petit il a remonté la pente. La grossesse s'est bien passée et la délivrance a été rapide. Qui a procédé à l'accouchement ? Une rebouteuse. Une vieille aussi desséchée qu'une pomme. Elle sentait horriblement mauvais, mais elle connaissait son affaire et surtout, elle ne nous a presque rien demandé. D'où venait-elle ? Je ne l'ai jamais su, et je n'ai jamais cherché à le savoir. Marie est née le 22 juin 1963. La chance a voulu que ce soit un samedi. Elle est née en fin d'après-midi. La rebouteuse était contente car la délivrance fut facile, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout pour un premier enfant. Comment Marike von Gunberg a-t-elle vécu l'arrivée de Marie ? Beaucoup mieux que je ne l'avais espéré. Mais croyez-moi, monsieur le commissaire, tout le monde aurait rêvé d'un petit ange comme Marie. Elle était si mignonne. Marike a tout de suite compris que c'était sans doute la meilleure chose qu'elle n'ait jamais faite. Pourtant, il lui était impossible de la garder. Hélas, ce fut bientôt une évidence. Vous auriez pu vous installer avec Marike von Gunberg et partager les frais. Nous y avons bien pensé, mais cela ne suffisait pas à couvrir les frais de la maison. Avec Marie, il était impensable de retourner en ville, et même en prenant une maison plus petite, nous n'y serions pas arrivés. Rapidement, nous avons dû regarder la situation en face. Heureusement, je savais qu'Armand Stephen cherchait une assistante et j'ai pris sur moi de lui parler de Marike. Pour avoir souvent travaillé avec lui, je savais que c'était quelqu'un de bien. Et si Marike partait en Afrique, elle serait provisoirement à l'abri. Si je parviens à comprendre l'abandon de Marie et pourquoi Marike von Gunberg s'est envolée pour l'Afrique tout de suite après, un point demeure obscur. Pourquoi avoir fait si vite ? N'auriez-vous pas pu attendre encore un peu ? C'est effectivement ce que nous souhaitions de tout notre cœur. Mais un fait a tout chamboulé. Un beau matin, sans cri et gare, Karl von Gunberg a débarqué dans les locaux de Petroleus. Nous savions, Marike et moi, que cela devait fatalement arriver, mais nous ne pensions pas que cela arriverait si tôt. Je me suis retrouvé convoqué au personnel. J'ignore comment il avait appris que j'étais la meilleure amie de Marike. Si vous l'aviez vu, un véritable fauve. Je n'ai eu aucun mal à comprendre pourquoi Marike en avait si peur, même s'il ne m'intimidait pas le moins du monde. Je suis une dure à cuire, monsieur le commissaire. Je suis originaire de Berlin. Du coup, je n'avais pas du tout l'intention de me laisser faire par un malotru pareil. Malgré l'heure matinale, il puait l'alcool à plein nez. Il a eu beau hurler, tempêter, il n'a rien obtenu de moi. À la fin, il m'a traité de sale conne. Sans d'ailleurs que le directeur du personnel ne s'émeuve beaucoup. Un beau pleutre, celui-là. Mais je le répète, je n'en avais cure. Marike était à présent à l'abri et c'était tout ce qui importait. Elle avait pris l'avion une semaine plus tôt. Il fallut quelques années à Karl von Gunberg pour découvrir où se terrait Marike, ce qui permit à celle-ci de reprendre confiance en elle petit à petit. Quand il s'est pointé, Armand Stephen était là pour lui mettre le poing dans la figure qu'il méritait depuis si longtemps. Après tout, c'était lui le véritable responsable de la situation. S'ils étaient montrés cruels et moins égoïstes, jamais Marike n'aurait dû fuir comme elle l'a fait. Je le sais bien. Et je ne suis pas là pour juger, cependant. Pourrais-je me permettre de vous demander une dernière chose ? Quelle est-elle ? Je souhaite organiser une petite réunion. Je ne vois pas en quoi. Je souhaite vous faire rencontrer Josette Roset. Je pense que celle-ci a bien mérité quelques éclaircissements, vous ne croyez pas ? Lotte Kepring-Rivet eut un sourire un peu triste. Après tout, pourquoi pas ?